بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنبدأ اليوم بابا جديدا ألا وهو باب العيدين. Et donc on continue l'explication de Umdat al-Ahkam, toujours le chapitre de la prière. Aujourd'hui, on commence un nouveau sous-chapitre qui est le chapitre du Eidain, le chapitre des deux Eid. Wal Eid huwa ma 'ada wa takarrar. Le Eid, ce qu'on appelle le Eid en arabe, c'est ce qui revient et qui se répète. Le Eid, c'est ce qui revient et qui se répète. وهذا العيد قد يكون زمانيا فيعود على الناس كل عام كعيد الأضحى وعيد الفطر. Et donc ce عيد, il se peut que ça soit un عيد زماني, un عيد qui est lié à une période, et donc qui va revenir chaque année, comme Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Le Eid donc du sacrifice et le Eid lié à la rupture du jeûne. Ou kulla usbu' kal jumu'ah, où il se peut que le Eid il revienne chaque semaine, comme le jumu'ah. Et le jumu'ah c'est un Eid. Wa qad ja'a 'an an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam tasmiyat al-jumu'ati 'eedan. فَإِنَّ ابْنَ مَاجَهُ أَخْرَجَهُ أَوْ أَخْرَجَ فِي سُنَنِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيد جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. Certes, Ibn Majah a cité dans son Sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce jour, certes ce jour est un jour de fête, est un jour de Eid qu'Allah a accordé aux musulmans. Alors celui qui vient au Jumu'ah, qu'il se lave. Celui qui vient au Jumu'ah, qu'il fasse le ghusl. Authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah. Wa dhakara al-ulama aidan al-a'yad al-makaniyya wa hiya al-amakin allati ya'udu 'alayha an-nas kal-masjid al-haram wal-masjid an-nabawi wa hiya amakin muqaddasa. Les savants, ils ont aussi cité les a'yad, donc le pluriel de Eid, mais qui sont liés à des lieux, pas à des moments. On a vu avant des moments spécifiques. Eid al-Adha, c'est un moment dans l'année. Le Jumu'ah, c'est un moment dans l'année. Maintenant, on a Eid, c'est-à-dire un lieu. Et ces lieux-là, ce sont des lieux vers lesquels les gens reviennent régulièrement. Les gens vont régulièrement revenir vers ces lieux-là. C'est pour ça qu'ils ont été appelés Eid. Comme la mosquée sacrée à Mecca, ou alors la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont des endroits sacrés. Wa fi hadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'eedan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Et c'est en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité sa parole lorsqu'il dit: ne faites pas de vos demeures des cimetières, des tombeaux. Ne faites pas de vos demeures des tombeaux. C'est-à-dire, priez chez vous. Tu ne peux pas prier au cimetière, mais prie chez toi. Et ne faites pas de ma tombe un Eid. Ne faites pas de ma tombe un Eid, c'est-à-dire un lieu où vous allez tout le temps revenir. Ne faites pas de ma tombe un Eid. Et priez sur moi. Donc, le fait d'invoquer pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Et certes, votre salat matin, où que vous soyez, où que vous soyez, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, près de sa tombe, pour faire cela. Rawahu Abu Daoud, rapporté par Abu Daoud dans son Sunan. Wa fil Eid ahkam wa sunan kathira. لكننا اليوم سنكتفي بما ذكره المؤلف رحمه الله. Et certes, il y a concernant l'Eid beaucoup de règles et beaucoup de sunan, mais nous allons nous suffire de ce que l'auteur a cité, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc il dit: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. Et donc le premier hadith que l'auteur il cite, il dit selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que Abu Bakr et Omar accomplissaient al-Eidain, les deux prières du Eid, avant la khutbah. Ils accomplissaient les deux prières du Eid avant la khutbah. Ayyou al-Ikhwa, nuqila al-Ijma'u ala anna al-khutbah sunnatun fil Eid. Il a été rapporté, très cher frère, il a été rapporté que la khutbah est une. Il a été rapporté l'unanimité des savants sur le fait que la khutbah est une sunna. La khutba est une sunna le jour du Eid. Wal khutba tuqamu ba'da as-salat khilafan li khutbati al-jumu'ah fa innaha tuqamu qabla as-salat. Et donc la khutba du Eid, elle est faite après la prière. Contrairement à la khutba du Jumu'ah, celle-ci, elle est faite avant la prière. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة. Les savants, ils ont abordé ce sujet. فقال بعضهم الحكمة في تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد علة تعبدية. Certains savants, ils nous disent la sagesse dans le fait que la prière elle précède la khutba le jour du Eid est une sagesse ta'abboudiyya, c'est-à-dire une sagesse dans l'adoration. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais on doit adorer Allah Azza wa Jal comme cela. Comme lorsque je vous dis, Taïb, quand tu fais tes ablutions, pourquoi lorsque tu vas arriver au Mesr, pourquoi est-ce que c'est le haut des chaussettes que tu vas, donc, tu vas passer tes mains sur le haut des chaussettes. Pourquoi pas sur le bas? Parce que c'est comme ça. C'est ta boudi, c'est-à-dire que tu le fais pour adorer Allah Azza wa Jal comme cela. Il n'y a pas de raison qu'on connaisse. Pourquoi est-ce que, donc, on commence par donc, se laver les mains, et ensuite, donc, El Madmada wal Istinshaq, et après le visage, pourquoi on ne fait pas un autre sens, etc. C'est ta boudi, c'est Allah qui nous a ordonné de faire comme ça. On ne sait pas, il n'y a pas de raison spécifique. Et donc là, ils te disent, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas de raison spécifique sur le fait que Yawm al-Eid, eh bien, la prière, on l'a fait avant la khutbah. Wa qala akhawun la bal. Al khutbatu aw as-salatu wajibatun. Fa wa min shurut as-salat an yajtami'a an-nas. Fa ukhirat as-salat yani al-khutbah حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. Et donc ils nous disent certains, non, il y a une raison, il y a une sagesse. C'est que le Jumu'ah, c'est une prière qui est obligatoire. Elle est obligatoire, le Jumu'ah. À tout le monde, parmi les hommes. Et parmi les conditions du Jumu'ah, il y a le fait qu'il y ait un nombre de personnes qui prient, que ce soit plusieurs personnes. Les savants divergent. Quel est ce nombre? Est-ce que c'est à partir de 2? Est-ce que c'est à partir de 3? Etc, etc. Mais en tout cas, c'est une condition que l'imam ne soit pas tout seul pour faire le Jumu'ah. D'accord? Et donc, ils ont dit, vu que le Jumu'ah, il est mis en condition qu'il y ait plusieurs personnes. Alors, la prière, elle a été retardée, afin que s'il y a des retardataires, ben, qu'ils arrivent par la suite, que les gens aient le temps d'arriver. Par contre, pour l'Eid, non, pas besoin. Pourquoi ? Parce que Salat al-Eid, elle n'est pas obligatoire à tout le monde. Ça, c'est un avis. Wa qala akharun, certains nous disent, al-hikma, cette prière est obligatoire, c'est une condition. Il y en a d'autres qui vont nous dire, non, c'est la khutba, c'est une condition. Al-khutbatu shartun. Si tu ne fais pas la khutba, la salat n'est pas valable. Ils nous disent, si yom al-jumu'a, tu ne fais pas la khutba, la salat n'est pas valable. Ils nous disent, vu que la khutba, c'est un shart, al-shartu muqaddamun ala salat. Ils nous disent, vu, attention, c'est compliqué un peu ici, vu que la khutba, c'est une condition, la condition passe avant la salat. Est-ce que vous avez compris ? Vu que la khutba, c'est une condition pour la validité de la prière, eh bien, la khutba va être faite avant la prière. Je vous donne un exemple. El wudu shartun li sihhati salat. Les ablutions, c'est une condition pour la validité de la prière. On est d'accord ? Et donc, les ablutions, tu les fais avant la prière. Les ablutions, tu les fais avant la prière. Et comme ça, pour toutes les conditions de la prière. Le début du temps, dukhul al-waqt. Il faut d'abord qu'on rentre dans le temps avant de commencer la prière. Etc. Il faut d'abord que tu aies les vêtements satrul awra. Il faut d'abord que tu aies les vêtements corrects avant de commencer la prière. Et donc, à chaque fois, c'est une règle. La condition, elle précède l'acte que tu vas faire. Et donc, ils disent, le jumu'a, il est obligatoire. Et la khutba, c'est une condition. Et donc, la condition va précéder la prière. Il y a plusieurs avis des savants concernant ce sujet. Quelle est la sagesse en cela ? وعلى كل حال فالصلاة قبل الخطبة يوم العيد. Et dans tous les cas, la prière le jour du Eid, elle se fait avant la khutba. Le jour du Eid, la prière se fait avant la khutba. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. Dans Sahihayn, selon Abbas رضي الله عنهما qui nous dit, j'ai assisté au Eid avec le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et Abu Bakr et Omar et Othman, tous accomplissaient la prière avant la khutba. Tous accomplissent la prière avant la khutba. La prière, elle se fait avant la khutba, yawm al-Eid. Wa qala kathirun min al-ulama, inna awwala man qaddama al-khutbata 'ala as-salat Marwan ibn al-Hakam. Beaucoup de savants, ils nous disent que le premier qui a accompli la khutba avant la prière le jour du Eid, c'est Marwan ibn al-Hakam, qui était amir de Médine après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à l'époque où il restait encore quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque toutes les divergences ont commencé à arriver. Et donc, ils disent que Marwan ibn al-Hakam, c'est le premier qui a fait donc la khutba avant la salat yawm al-Eid. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. البخاري l'a cité dans son صحيح selon أبي سعيد الخدري رضي الله عنه qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il sortait le jour de الفطر et de الأضحى, donc le jour du عيد. Il sortait vers Al-Musalla, le lieu de prière. فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةِ. La première chose qu'il commençait à faire était la prière. Donc il faisait la prière du Eid, sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَكُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ. Et ensuite il terminait la prière et se mettait en direction des gens. Il se dirigeait vers les gens, se tournait vers eux. والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. Et les gens, ils étaient assis dans les rangs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhortait, il leur faisait des recommandations, il leur donnait des ordres. فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ordonner d'envoyer donc un groupe, une armée à un endroit précis, alors il le faisait. Et s'il voulait donner un ordre spécifique, alors il le donnait, il donnait cet ordre. ثم ينصرف. Et ensuite il partait. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان. Et les gens n'ont cessé de faire cela jusqu'à ce que je suis sorti avec Marwan. Ils n'ont cessé de faire cela, c'est-à-dire la prière qui se faisait avant la khutba. Yawm al-Eid. La prière qui se faisait avant la khutba. Les gens n'ont cessé de faire cela. Juste donc pendant, après la mort du prophète, les Khulaf al-Rashidin, etc. Jusqu'à arriver à Marwan. Il dit jusqu'à ce que je sorte avec Marwan. Là ici il veut dire Marwan ibn al-Hakam. Wa huwa amirul Medina. Alors que c'était le amir de Médine. Fi adha ou fitr. C'était soit une prière de adha ou soit une prière de salat al-fitr, de Eid al-Fitr. Un des deux Eid. Il ne se rappelle pas exactement, il précise, il dit c'est un des deux. Alors il nous dit falamma atayna al-musalla idha minbarun banahu kathirun as-salt. Lorsque je suis arrivé au lieu de prière, j'ai donc vu un minbar qui avait été construit par Kathir ibn Salt. Les savants disent que ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'utilisait pas de minbar le jour du Eid. Donc à son époque, ils disent que ici donc Marwan, ça montre que Marwan c'était le premier qui était venu avec un minbar pour la prière du Eid. فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي. C'est alors que Marwan il voulait monter sur ce minbar avant de prier. فجبذت بثوبه. Alors je l'ai tiré par son vêtement. فجبذني. Alors il a tiré. وارتفع. Et il est monté. Il est monté sur le minbar. Il a fait la khutba. فخطب قبل الصلاة. Alors il a fait la khutba avant la prière. فقلت له غيرتم والله. Abu Sa'id il dit, alors je lui ai dit, par Allah vous avez changé. Vous avez changé les choses, par Allah. Attention, ça c'était en privé. Parce qu'Abu Sa'id il a fait la prière avec lui, etc. Et ensuite, lorsqu'il s'est retrouvé seul avec lui, comme il dit Ibn Hajar dans l'explication de ce hadith, il dit ici, Abu Sa'id il l'a conseillé donc en privé. Donc il a fait la khutbah, il lui a dit vous avez changé les choses par Allah. Faqala ya Abu Sa'id qad dhahaba ma ta'lam. Alors Marwan il dit à Abu Sa'id, oh Abu Sa'id, ce que tu connais est parti. Ce que tu connais, ce que le prophète faisait, c'est terminé. Aujourd'hui on fait autre chose. Ce que tu connais est parti. Alors Abu Sa'id il dit wallahi ma a'lamu khayrun mimma la a'lam. Par Allah, ce que je connais, donc la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est bien meilleur que ce que je ne connais pas. Ce que je connais est bien meilleur que ce que je ne connais pas. Et donc ce que vous allez faire, des choses innovées. فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. Alors Marwan, il dit, les gens, ils ne s'asseyaient pas pour m'écouter. Il ne s'asseyait pas pour m'écouter après la prière. Lorsque je faisais la prière et que je commençais la khutba, les gens ils ne m'écoutaient pas, ils partaient. Alors, j'ai fait la khutba avant la prière. Comme ça, ils sont obligés de rester. Et donc voilà, par rapport à ça, c'est une erreur, bien entendu, on le comprend pertinemment, on le comprend clairement, que c'était une erreur de faire la khutba avant la salat. Et que ceci est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi qissati Abi Sa'id ma Marwan fawaid kathira. Il y a dans cette histoire qu'on vient d'entendre entre Abi Sa'id et Marwan, il y a beaucoup de leçons attirer minha ahamiyatu tamassuki bis sunna. Parmi les leçons, il y a l'importance de s'accrocher à la sunna. L'importance de s'accrocher à la sunna, de ne pas chercher à droite, à gauche. Accroche-toi à la sunna. Mais c'est la raison. Exactement. C'est pour ça qu'il dit, et Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit, « Iqtisadun fi sunna, khayrun min ijtihadun fi bid'a. » Il dit, le fait de faire peu, mais sur la sunna, c'est mieux que de faire beaucoup dans l'innovation. Fais peu dans la sunna, c'est mieux pour toi que de faire beaucoup dans l'innovation. وفي هذه القصة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il y a aussi dans cette histoire le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Abu Saïd, il ne sait pas, tu fais ça, un munkar? Non, comment ça? C'est pas comme ça qu'on faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout de suite, il faut qu'on ordonne, il faut qu'on montre aux gens la vérité, il faut qu'on leur montre. Non, c'est pas correct ce que tu fais. وفي هذه القصة كذلك أن أبا سعيد نصح مروان أمير المدينة فيما بينه وبينه ولم يفعله على رؤوس الناس. Il y a donc dans cette histoire le fait que Abu Saïd, il a conseillé Marwan en privé. Il ne l'a pas fait ça devant tout le monde. C'est pas devant tout le monde que Marwan il a répondu, « Ya Abu Saïd, certes les gens, ils ne s'asseyaient pas pour nous, alors on a fait la khutbah. » Non, ça c'était en privé que tout ça s'est dit. C'est pas devant tout le monde. Et donc Abu Saïd, il a fait son devoir en privé. Ça c'est important qu'on apprenne que le ulama, lorsqu'il conseille les hukam, c'est en privé. T'as pas besoin toi de savoir que tel savant a conseillé tel hakim. T'as pas besoin. T'as pas besoin de savoir. Et lui ici, s'il nous a cité Abu Hakim, Abu Saïd, c'est pour nous montrer déjà un point essentiel. C'était après cette fitna, bien entendu. C'est après la fitna qu'Abu Saïd nous a rapporté ce genre d'informations. Lorsque ça, c'est fini. Cette parole ne va pas causer de tort. وأيضا يستفاد من هذه القصة أن الإمام إن قدم الخطبة على الصلاة فالصلاة صحيحة. On comprend de cette histoire aussi que l'imam, s'il fait la khutba avant la salat, alors la prière elle est valable. هو مخطئ. Certes, il a fait une mauvaise chose, il est dans l'erreur. Mais la prière, est-ce qu'on doit la refaire ou pas? Non, on n'a pas besoin de la refaire. Pourquoi? Parce que Abu Saïd, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه أعاد الصلاة. Abu Saïd, qui est le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, il n'a pas cité qu'il a refait la prière après ça. Et donc la prière elle est valable. Il est resté, il a assisté, il a fait avec eux, il n'a pas refait la prière. Et donc voilà par rapport à ça, à ce sujet, on continue demain, inshallah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا